Bonjour frères et sœurs, et ce matin on va terminer ensemble le chapitre 12 des deux premières vidéos. Sur le chapitre 12, on a vu que Jésus annonçait sa mort. Et ce qui nous surprend quand on regarde la mort de Jésus, c'est que dans l'évangile de Jean, c'est lui qui contrôle le où, le quand et le comment de sa mort. Ce qui n'est pas habituellement, je dirais jamais, ce n'est pas ce qu'on voit de l'être humain. L'être humain a peur de la mort, l'être humain ne contrôle pas, subit la mort. La mort vient quand on s'attend moins, on dit. Jésus dit, je vais venir comme un voleur, soyez prêts, mais pas lui. Donc, ça le met dans une catégorie à part. Il n'est pas comme les autres êtres humains qui ont passé sur la terre. Et en parlant de sa mort et comment il était pour mourir, Jean veut nous faire ressortir encore une fois que si nous croyons qu'il est le Christ, si nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, nous avons la vie éternelle. Donc ce matin, nous continuons dans la même veine en regardant cela pour fonder notre foi sur les Écritures et non pas sur nos expériences personnelles. Mais avant de lire le texte, nous allons prier ensemble, s'il vous plaît. Notre Père du ciel, nous nous courbons devant toi. Nous regardons dans ce chapitre et les autres qui vont suivre, Jésus organisé, planifié, orchestré. On le voit qu'il contrôle les hommes, les femmes, les dirigeants autour de lui afin de mourir à l'heure, à l'endroit bien précis qu'il avait décidé. Et c'est lui qui décide toutes choses. Donc, il ne fuit pas la mort, il la provoque afin de mourir comme il l'a voulu le vendredi saint à 3 heures. Donc, Seigneur, aide-nous par ton esprit à bien comprendre cela et à voir que Jésus n'était pas comme nous, il n'était pas juste un prophète, comme Moïse, mais il était Dieu fait chair. Conduis-nous afin qu'on puisse te glorifier et te servir comme tu le mérites. Amen. Donc ce matin, l'auteur commence, on dirait qu'il est un peu pessimiste, et il dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. C'est comme si l'auteur était un peu comme surpris. Comment ça qu'il n'y a pas plus de monde qui a cru devant tant de miracles? Ici, dans l'Évangile de Jean, on en a vu seulement que 7. Mais si on regarde l'ensemble des Évangiles, il y en a fait des milliers, peut-être des dizaines de milliers de miracles. Mais l'auteur va faire ressortir ici, où Dieu va nous dire par Jean, pourquoi ils n'ont pas cru. Et il va donner 3 raisons. Regardons-le ensemble et on va lire ensemble à partir du verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplissent les paroles qu'Isaïe le prophète a prononcées. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Isaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ainsi, Isaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire, et qu'il parla de lui. Ça, c'est la première raison. Et c'est une première raison qui est un peu, on pourrait dire pour l'être humain, un peu choquante. On a envie de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire si Dieu endurcit les cœurs? Comment est-ce qu'on va faire? Comme les gens ne peuvent pas se convertir si c'est lui qui a endurci les cœurs. Mais on n'a pas le temps ce matin de tout voir la doctrine de la prédestination, de l'élection et de cette part que Dieu a de souveraineté dans le salut des êtres humains. Mais ici, il le dit après 3 ans de ministère. Des fois, je me demande si ce n'est pas comme avec le Pharaon. Pendant 7 fois, il dit au Pharaon de laisser aller son peuple. La 8e fois, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Et il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Est-ce que c'est la même chose ici? Peut-être. Mais une chose est certaine. Il dit dans Romains 9, Dieu endurcit qui il veut et il sauve qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Il endurcit les cœurs de qui il veut. Donc, une des raisons ici qu'il dit qu'ils ne peuvent pas se convertir malgré tous les miracles, qu'ils ne peuvent pas croire malgré tous les miracles, c'est que Dieu a endurci leur cœur. Il a fermé leurs yeux afin qu'ils ne comprennent point et qu'ils ne se convertissent point et qu'ils ne les sauvent point. C'est une des raisons. On va voir, il y a d'autres raisons. Pour nous qui entendons cela, on se dit, mais quelle est la part de l'homme là-dedans? Quelle est la responsabilité de l'homme là-dedans? Est-ce qu'il endurcit tout le monde? Mais une chose est certaine, si on revient à la base, si on recule un petit peu, Dieu n'avait pas endurci Adam et Ève. Dieu n'a pas endurci Adam et Ève. Adam et Ève étaient purs, étaient dans le paradis, et Dieu n'a pas endurci leur cœur. En tout cas, ça ne nous est pas dit. Et ils ont décidé de pécher. Et ils sont morts spirituellement. Mais les gens à qui Dieu s'adresse à travers Jésus, les gens à qui Dieu parle par Jésus, à qui Dieu se révèle par les miracles, il faut bien se rappeler qu'ils sont tous morts spirituellement. Il ne faudrait pas blâmer Dieu maintenant de la mort spirituelle de la race humaine. La Bible est claire, la mort spirituelle de la race humaine a été causée par la race humaine et c'est la race humaine qui est coupable de sa mort spirituellement. Tu ne peux pas endurcir le cœur de quelqu'un qui est déjà mort. Non, ce n'est pas facile pour nous autres de comprendre ça. Donc, il faut faire attention de ne pas blâmer Dieu de la perte de salut où quelqu'un n'est pas sauvé. Même si on ne comprendra pas tout, qu'est-ce que ça veut dire si quelqu'un endurcit le cœur de quelqu'un? Une chose est sûre, que ces personnes-là sont mortes spirituellement et qui vont aller loin de Dieu à cause de leur péché. Et non pas à cause que Dieu a endurci le cœur. Ici, dans le contexte, il dit, ils n'ont pas pu se convertir ou croire à cause des miracles, croire au salut. Parce que Dieu a endurci le cœur. Mais c'est un cœur qui était déjà mort. C'est un cœur qui est déjà mort. Ce que moi je crois que ça veut dire, c'est que quand il rouvre le cœur de quelqu'un, quand il fait grâce à quelqu'un, quand il rouvre les yeux à quelqu'un, c'est une grâce. Parce qu'on a tous les yeux fermés. On est tous des gens, des enfants de colère par naissance. On est tous des aveugles. Donc, quand il ouvre le cœur et les yeux de quelqu'un pour qu'il croit, c'est une grâce. Et quand il décide de fermer les yeux d'un autre ou d'empêcher les gens de voir derrière les miracles et de comprendre qui a fait les miracles, il ne faudra pas blâmer Dieu à cause de cela. Donc, Dieu décide de prendre certains morts spirituellement et de les endurcir, dans le sens, les laisser dans cet état-là, les enfermer dans cet état-là de mort spirituelle, et il décide, en regardant d'autres, en voyant d'autres morts spirituelles, de leur ouvrir les yeux et le cœur, afin qu'ils croient et se convertissent. Mais rappelons-nous, on est tous morts avant cela. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, au verset 42, on va lire ensemble, si vous voulez bien. Cependant, parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Mais dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ça, c'est la deuxième raison. Il y en a qui ont cru. C'est-à-dire que les miracles les ont convaincus que Jésus-Christ était vraiment Dieu, que Jésus-Christ venait vraiment de Dieu, que Jésus-Christ était un envoyé de Dieu. Mais ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. On dirait que ceux-là, ce n'est pas de ceux qui ont été endurcis, parce qu'il a dit il y a un groupe là, mais cependant, parmi les chefs, il y a un groupe qui a cru à cause des miracles, mais finalement, ils ont dit non. Parce que les hommes ou les femmes de notre monde aiment plus la gloire qui vient de ce qui nous entoure que la gloire qui vient de Dieu. On est plus soucieux en tant qu'être humain de ce que les hommes pensent de nous que de ce que Dieu pense de nous. Dans le livre des Proverbes, vous vous souvenez peut-être qu'il dit que la crainte des hommes est un piège, mais la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. C'est la même vérité ici. Donc, ce n'est pas parce que Dieu ne s'est pas montré à eux autres, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas voulu qu'ils comprennent, parce qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose de spécial. Mais ils ont rejeté Jésus, ils n'ont pas voulu s'attacher à Jésus à cause de leur désir de plaire et d'être accepté parmi les êtres humains. Et il y a des milliers de gens, des millions de gens qui sont autour de nous, que même si vous leur parlez de l'Évangile, même s'ils verraient des miracles en abondance, ils ne vont jamais se convertir parce qu'ils aiment plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Il va nous donner une troisième raison à partir du verset 44. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette, et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Les paroles que j'ai annoncées, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc ça, c'est la troisième raison. Jésus dit ici, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Celui qui m'accepte, accepte celui qui m'a envoyé. C'est Il l'a dit de d'autres façons ailleurs. Il dit, si vous avez cru en Abraham, vous avez cru aussi en moi. Ailleurs, il dit, si Dieu serait votre père, vous croiriez en moi. C'est lui qui m'a envoyé, mais il dit, votre père, c'est le diable. L'être humain, il faut toujours se rappeler ça à la base, l'être humain est un aveugle spirituel, est un mort spirituel. Il est incapable de voir la lumière par lui-même. Il est incapable de voir la vérité par lui-même. Donc, il dit, si vous ne me croyez pas en moi, c'est parce que vous ne croyez pas en Dieu. Et si vous croyez en moi, c'est parce que vous croyez déjà en Dieu avant. On a des exemples dans la Bible comme Siméon, comme Anne la prophétesse, comme Nathanaël, des gens qui avaient une foi en Dieu. Et quand Jésus leur a parlé, ils ont cru. Et là, il dit, comment vous allez voir que vous rejetez Dieu? Dans les autres versets, il dit, les paroles que je dis, les paroles que je vous annonce, c'est les paroles que Dieu m'a dites. Je le dis de la même façon que le Père m'a donné de les dire. Il dit, je suis un peu comme un perroquet, comme un enregistreur. Je répète, je vous dis les paroles que le Père m'a données. Je vous les dis telles que je les ai reçues. Donc, si vous n'acceptez pas les paroles que je vous ai dites, ces paroles-là vont vous condamner parce que c'est les paroles de Dieu. Donc, frère et sœur, quand vous témoignez à quelqu'un, quand je témoigne à quelqu'un, faisons attention de ne pas se culpabiliser ou s'écraser en pensant que c'est notre faute s'ils ne se convertissent pas. C'est pas notre faute. Jésus lui-même a témoigné ou a évangélisé pendant 3 ans, puis la grande majorité des gens ne sont jamais convertis. Et lui, bien, en plus, il faisait tous les miracles. Beaucoup de gens pensent que si aujourd'hui ils verraient des miracles, ils se convertiraient plus. Mais ce n'est pas ça qu'on dit ici. Malgré tant de miracles, ils n'ont pas cru. Et si on résume, ils n'ont pas cru parce que Dieu a endurci leur cœur. Ils n'ont pas cru parce que ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils n'ont pas cru parce qu'ils ne croyaient déjà pas en Dieu quand le Messie est arrivé. Donc, les gens à qui vous allez parler sont déjà morts spirituellement. Vous n'êtes pas coupable de leur mort spirituelle. Et si vous leur parlez, et vous leur parlez avec le mieux que vous pouvez, avec ce que vous savez, mais sont déjà morts spirituellement. Et ça prend un miracle pour qu'ils voient clair. Et le miracle ne dépend pas de vous. On leur dit les paroles que Dieu nous a donné dans les Écritures. Et s'ils les rejettent, mais c'est parce qu'ils ont déjà rejeté Dieu. La question qu'on doit se poser à chacun de nous, c'est pourquoi nous croyons? Nous étions aussi morts spirituellement. Nous étions aussi aveugles spirituellement. Nous, on n'en a pas vu de miracles. On a vu dans les Écritures. Mais il y a des millions aussi qui ont lu la Bible, qui ont vu les miracles que Jésus a fait. Mais ils n'ont pas cru, ils ne se sont pas convertis. Jésus ne les a pas guéris. Mais nous, il nous a ouvert les yeux. Il nous a guéris. Et maintenant, tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut dire, c'est lui rendre gloire et le remercier. Et se réjouir qu'on était accepté, se réjouir qu'on était choisi, se réjouir que Dieu est intervenu dans nos vies, comme dans le texte ici, il a endurci le cœur de certains, il a ouvert le cœur de d'autres. On peut certainement dire ce matin, je suis content que je ne sois pas dans le groupe de ceux qui ont endurci le cœur. Mais je suis dans le groupe dont Dieu a ouvert le cœur, comme il avait ouvert le cœur de Lydie. Notre Père du ciel, nous te remercions. Nous te remercions que ceux qui vont te mettre à mort, c'est ceux-là, ceux qui n'ont pas cru, ceux dont le cœur était endurci, ceux qui aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu, ceux qui ne te cherchaient pas ou qui ne cherchaient pas Dieu ou qui n'aimaient pas Dieu. Pierre va dire, vous avez agi par ignorance, mais repentez-vous. Que le Seigneur puisse nous aider à comprendre que le destin des êtres humains est entre les mains de Dieu. Aide-nous à te glorifier en ce jour et qu'on puisse, Seigneur, laisser savoir aux gens autour de nous que si nous disons que nous sommes sauvés, c'est parce que toi, tu nous as sauvés, tu nous as élus, que tu nous as choisis. L'œuvre de Dieu qui nous demande de faire, ce n'est pas un paquet d'œuvres, c'est des gens qui proclament la bonté, la grâce et l'amour de Dieu envers des pécheurs. Glorifie-toi ce matin en nous et par nous. Amen.